chaque mercredi sur la Une. La première. Il est 16h. Votre journal, Marie-Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Le verdict est tombé dans le procès LuxLeaks, un procès très symbolique pour les défenseurs de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Antoine Deltour et son collègue de PricewaterhouseCoopers qui avaient fourni à un journaliste de France 2, Édouard Perrin, des documents qui révélaient les accords fiscaux, des accords qui avaient été passés entre l'État luxembourgeois et des multinationales. Rudi Hermans, vous avez suivi l'annonce des peines. Comment ça s'est passé ? Eh bien, une audience très courte ici au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, juste le temps de prononcer ce jugement. Pour Antoine Deltour, le premier lanceur d'alerte à l'origine de cette affaire LuxLeaks, 12 mois d'emprisonnement, mais avec sursis et 1500 euros d'amende. Pour son ex-collègue Raphaël Allais, qui a lui aussi transmis des informations à la presse, une peine de 9 mois, également avec sursis et 1000 euros d'amende. Les deux hommes sont aussi condamnés à verser 1 euro symbolique à leur ancien employeur, le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, pour dommage moral. L'avocat d'Antoine Deltour a estimé que ce jugement était, je le cite, archaïque, anormal. Il a aussi parlé d'intimidation et par contre d'un jugement de réconfort pour ceux qui font de l'évasion fiscale. Les deux hommes iront donc en appel, c'est une quasi-certitude, car ils continuent d'affirmer qu'ils ont agi ainsi pour le bien commun. L'affaire LuxLeaks n'est donc pas terminée. Enfin, dernière précision, elle concerne Édouard Perrin, le journaliste de France 2 qui a été le premier à parler de cette affaire. Aucune peine pour lui, il a été relaxé. Merci beaucoup Rudi Hermans avec les moyens techniques de Stéphane Crombin. Un sommet européen se tenait à Bruxelles aujourd'hui, le premier depuis le résultat du référendum britannique, mais sans carton d'invitation pour David Cameron, le Premier ministre britannique. Sur la table des discussions, la sortie du Royaume-Uni évidemment, et puis l'avenir de l'Union européenne. Pas question ici de parler de plus ou de moins d'Europe. L'enjeu, c'est plutôt d'atteindre les objectifs que l'Europe s'est déjà fixés, faire aimer l'Europe pour ce qu'elle est. Pour François Hollande, par exemple, c'est la seule façon de reconnecter le projet européen avec les citoyens. On ne voit pas toujours ce que l'Europe apporte quand on y est. Mais on voit ce que l'Europe supprime quand on n'y est plus. Et j'ai souvent cette formule. Ceux qui aiment le plus l'Europe sont ceux qui n'y sont pas ou qui n'y sont plus. Ça va arriver. Donc il y a aussi cette révélation qu'il faut faire à la suite de cette décision britannique. C'est l'Europe, on sait ce qu'elle fait au moment où, justement, on n'en bénéficie plus. Donc nous devons montrer ce qu'elle est capable de faire en plus, en mieux, aux pays qui y sont, j'allais dire, encore. Elle n'avait pas été invitée au sommet non plus, mais elle est venue plaider sa cause malgré tout. La première ministre écossaise est venue rencontrer le président du Parlement européen et le président de la Commission. L'Écosse ne veut pas du Brexit et aimerait rester dans l'Union en tant qu'entité indépendante. L'Espagne a déjà annoncé qu'elle était contre cette idée et l'ombre des indépendantistes catalans n'y est évidemment pas pour rien dans cette prise de position très nette de l'Espagne. Et tant qu'on parle de l'Union européenne, les travaux par ailleurs se poursuivent. La Commission a annoncé officiellement aujourd'hui la prolongation de l'autorisation du glyphosate sur son territoire pendant 18 mois maximum. Le glyphosate, c'est cette molécule soupçonnée d'être cancérigène présente dans le Roundup, ce désherbant de Monsanto. La Commission a justifié cette décision par le refus des États membres, je cite, de prendre leurs responsabilités sur le sujet. Chez nous, les statistiques au sujet de la circulation sur les routes belges ont été présentées aujourd'hui par la police fédérale et locale. On apprend par exemple que quasi 6000 personnes étaient sous l'effet de drogue lors d'un contrôle autoroutier en 2015, quasi deux fois plus qu'en 2012. Mais petite précision, les contrôles ont aussi augmenté. Autre enseignement de ces chiffres, 75% des personnes à l'arrière de la voiture ne portent pas de ceinture de sécurité. Un sujet sur lequel il faudra donc travailler de ce côté-là. Et puis du sport, en ce moment, Wimbledon, deux Belges sont encore en lice, David Goffin face à Édouard Roger Vasselin et Kirsten Flipkens qui devraient affronter l'américaine Madison Keys. Ils auraient dû commencer à jouer il y a une heure, voire plus, mais les matchs sont suspendus en cause, la pluie, toujours la pluie. C'est voilà pour ces infos, merci de nous suivre. J'avais vu ça, moi aussi je fais des blagues, Walid. J'ai pas remarqué. Merci Marie, retour de l'info tout à l'heure à 16h30. Ce sera mieux, je vous promets. Avec vous d'ici là, nous sommes presque sérieux. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Je me suis rendu compte qu'il y avait un Islandais dans mon village. 400 habitants, mais il était le seul à faire tout. Ah ben voilà. Ce n'était pas un Italien un peu endurant. Oui, c'est ça. Tiens, Joël Milquet, à votre avis, qu'est-ce qu'elle faisait comme... parce que je suis tombé sur... Quoi ? En plus d'être une étudiante brillante, elle excellait dans la préparation des sandwichs. Mais quel genre de sandwich ? C'est du code, ça. La dinde. Non, pas la dinde. Non, lequel ? Au pastrami, avec un peu de tout. Avec poulet curry, effectivement. La reine du poulet curry en tant que dieu. Oh, c'est du code, c'est pas possible. Allez, la Grande-Bretagne, je suis désolée, mais va falloir bosser tout l'été. Hein. Donc tu vas aller me réviser ton histoire de la construction européenne en 8 volumes. Je t'ai mis aussi le catalogue H&M avec David Beckham dedans. Et puis tiens, regarde, un fast pass pour la file devant le consulat d'Irlande. Tu sais, pour ton passeport. J'étais donc seule. Je suis entrée dans la classe. J'ai plongé mon regard dans celui du titulaire. Il a commencé en douceur, en me parlant de la première partie de l'année. À la mi-temps, il est tout simplement fantastique. Oui, c'est vrai, je dis un bon début d'année. Après, le titulaire m'a quand même signalé qu'il avait d'abord écrit « Fuck l'école » avec deux L. Alors là, j'ai pas pu me retenir, j'ai explosé. Vous êtes rentier, mon cher Pierre. Oui, effectivement. C'est un métier que nous vous envions. Quand bien vous fasse. Moi, quand j'étais petit, c'est ce que je voulais faire. Quand je serai grande, je serai rentier. Oui, moi, toujours à mon âge. Sweepstake. Alors, on va essayer. Sweepstake. C'est pas l'équipe de cyclisme, l'équipe Sweepstake. Ma disparition a fait beaucoup de dégâts, mais a créé de nouveaux états. Qui suis-je ? Alors, l'Union soviétique. L'Union soviétique. Oh, excusez-moi, mais bon. Ouais, ben non. Charles Michel, deux points, on ne peut pas mettre le couteau sous la gorge de Cameron. Là, j'avoue que je suis plutôt d'accord avec lui. Mieux vaut le planter directement dans le cœur. Enfin, si on le trouve. I don't confirm the information in the investigation. Ouais. On pourra faire un single. Oui, mais... Est-ce que tout le monde est presque sérieux ? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde est presque sérieux ? Oui. Ça va. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Depuis quelques jours, on entend sur nos antennes une pub qui parle d'une exposition de taxidermie acrobatique. Alors, je vous laisse imaginer ce qui se cache derrière le terme. Mais ça prouve que le macabre, le sanglant, le brutal peuvent trouver une déclinaison dans le sportif ou l'artistique. On a encore eu la preuve avec la triste prestation de détonation synchronisée effectuée hier à Istanbul par des fous qui agissent pour le compte d'autres fous qui estiment, eux, que faire preuve d'humanité est un art trop moderne et très abstrait. On pense bien entendu à toutes ces victimes. Turquie, sene seviorum, ça veut dire Turquie, je t'aime. Voilà, comme ça, on a appris un petit mot et on pense bien entendu à toutes ces victimes. Bref, blagues et mortifères se côtoieront peut-être dans cette émission parce que l'actualité est parfois cruelle et du coup, nos chroniqueurs aussi. Voici votre équipe d'humorbiste du jour qui vont disséquer l'actualité encore vivante. Donnez-lui une actualité brûlante. Il va bûcher dessus pour torcher une chronique qui durera plus longtemps qu'un incendie de forêt après 6 mois de sécheresse. C'est Corentin Conti, bonjour. Bonjour Walid, bonjour tout le monde. Dans la lutte contre l'empalement médiatique, c'est sûr, c'est lui qui est en pointe, Jean-Jacques Jespers. Absolument. Et lui, à son micro, les enfants dissèquent l'actu sur le vif. C'est David Ouattelet, bonjour David. Bonjour tout le monde. Il est de retour de vacances et ce qu'on craint en rentrant de vacances, c'est la boîte aux lettres. Oui. Ouais, n'est-ce pas Vincent Pimoutier ? Ouf, oui. Hein ? Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Oui. On attend de voir. Hein. C'est demain, c'est ça ? Oui, oui. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, il a un procès, ça y est, c'est bon. 15 000 euros, on ne fait plus rien avec 15 000 euros. On va plus loin avec 15 000 euros, c'est fini. Il faudra me garder 10 ans pour que je puisse payer tout ça, Wally. Minimum. Tiens, s'il dit qu'il va vous manger tout cru, eh ben, croyez-le, c'est Raoul Reyers. Ça dépend, hein. Avec quelle sauce ? En carpaccio, alors. En carpaccio, je savais qu'il allait dire ça. Carpaccio au plancha, c'est un des deux, non, c'est clair. Non, carpaccio, c'est bon, hein, un peu de citron vert. Pourquoi pas ? Tiens, quand on lui demande, elle ne tergiverse pas pour trancher dans l'art. Hésiter, d'ailleurs, c'est pas son transgenre. Hein. <J'ai replèche. rire> Qu'on embrasse, qui prépare cette émission pour vous. Et puis, entre ses mains, les curseurs sont des arts. Méfiez-vous, il paraît qu'il peut envoyer à tout moment le son qui tue. C'est notre réalisateur Daniel Sheik. Et on embrasse au passage la petite Khadija qui est venue nous faire un petit coucou ici dans les studios avec ses profs. Ça y est, ça sent les vacances, ça sent les visites guidées de la RTBF. Ah oui. Ça sent le bonheur. Oui. Et ça sent bien le presque sérieux. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour, du coup, presque sérieux. Vous le savez, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. Bienvenue. C'est presque sérieux. C'est la première. Ah bah on va rester dans l'école, on parlera de la remise des bulletins avec vous, David Watley. On aura droit à une partie british avec les Anglais qui ont voté en faveur du Brexit et qui le regrettent déjà. Et puis ce fameux journal des bonnes nouvelles que le monde entier nous envie, ce sera avec Jean-Jacques Jespers. Vous l'avez compris, l'actualité, rien que l'actu du jour. Et du qui a dit, nous jouerons ensemble avec une phrase extraite d'un quotidien qui aurait pu dire « ce serait inacceptable ». C'est large, hein. Ça peut être plusieurs. Ah ouais, oui, c'est large, c'est large. Mais qui aurait pu le dire ? Il y a plusieurs qui ont dit ça. Ah oui, ouais. mais vous aurez des propositions à faire à l'un ou l'une de nos auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à vous inscrire, CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Eh bien cet été, on a décidé de vous gâter avec des entrées culturelles. Et donc, on vous propose 4 places pour le pass, le musée des sciences à Frameries, près de Mons. De quoi s'occuper donc en famille cet été, ainsi qu'une clé USB. 4 entrées pour le pass et une clé USB si vous vous inscrivez en envoyant donc d'ores et déjà ces 3 lettres, CPS. Au 6031, nom, prénom et adresse pour la phrase du qui a dit du jour, ce serait inacceptable en ce jour de presque vacances. Ah, pour la plupart, ça y est, aujourd'hui on va à l'école, mais oui, vraiment, pour rien faire. C'est vraiment le dernier. Bah, c'est fini d'ailleurs, c'est on est mercredi après-midi. Ah oui, fini, c'est fini. Bon, ça dépend. Il y a garderie encore. Il y a garderie encore. Mais pendant les vacances, il n'y a pas garderie. Parce que je suis persuadé qu'il y a des parents qui mettraient leurs enfants pendant les vacances. Il y en a qui le font. Ils les mettraient demain, ils viendraient les chercher en septembre. Vous imaginez le truc, ce serait drôle. Bon, en attendant, la une du jour, la voici. C'est la une. Deux infos en chanson, tentez de rattacher ces deux morceaux à une actualité, à vous de me le dire. Laisse-moi rêver bientôt les vacances et l'été qui recommence, du soleil, du ciel bleu, la joie d'être deux. Tiens, c'est gagnant, le dimanche suivant, je mettrai le paquet carrément. Carlos, le tiercé, Monty, les vacances. C'est avec Monty que nous allons commencer cette émission. Monty, les vacances. Alors, bah, c'est les vacances. Les Belges. Déjà, bah, bien sûr, c'est les vacances. Les Belges et les vacances. Les Belges et les vacances. Le monde et les vacances, j'aurais tendance à dire. C'est une étude. C'est une étude, Jean-Jacques, on ne vous cache rien. Il y a quelques annulations pour la Turquie. Deux, trois. Vous savez, honnêtement, il y a un moment donné où il faudrait que ça cesse, quoi. Les gars, je sais pas, faites autre chose. Ouais. Faites des châteaux de sable. Je sais pas, faites quelque chose, quoi. Marchez dessus après, ouais, éventuellement. Arrêtez, 30 secondes, quoi. On a besoin de vivre. Bon, on a besoin. Pour finir, on n'osera plus aller en vacances qu'en Angleterre. Ou au Liechtenstein. Moi, mes prochaines vacances, c'est au Liechtenstein. C'est bien. J'ai bien choisi l'Angleterre. Moi, il n'y a pas de plage, hein, par contre. Hein. C'est juste le petit truc. Il y a des banques. Oui, il y a des banques. C'est vrai. Il y a un beau banque de... Voilà. Bon, les vacances. Alors, les vacances. De quoi parle-t-on ? Les vacances, oui. Tout le monde veut aller en Islande. Non, il y a après la super campagne de pub. Mais justement, avec l'approche des vacances, lequel ? On fout plus rien au bureau. Non. Les gens sont contents. Non. Ils vont plus manifester. Non. Il n'y a plus de bouchons pour aller. On sent que Jean-Jacques est en vacances depuis des années. Le plus intellectuel de nous tous, les gens sont contents. Ce mec donne des cours. Hein. Généralement, il faut une longue étude pour prouver ça. C'est vrai, il n'a pas tort. Mais on n'est pas très loin, Jean-Jacques. C'est juste l'inverse. Ah, les gens ne sont pas contents. Ils sont tristes déjà de penser qu'ils vont rentrer après. C'est pas tout à fait pas content. Ils sont énervés, stressés. Stressés, Jean-Jacques. Voilà, bravo. Les vacances, les stress. Quand l'avant et après vacances sont vecteurs de stress, c'est un sondage du groupe Securex auquel ont répondu 950 travailleurs en avril, qui révèle donc que près de la moitié des répondants, 48%, trouvent les jours qui précèdent et suivent une période de vacances particulièrement stressante. Moi, je déteste faire les valises. Il n'y a pas que ça. Tout ça, tout préparer, finir les dossiers. Il va pas y avoir des embouteillages sur l'autoroute. C'est même pas ça, c'est toutes les deadlines qui sont liées au travail. Les chefs, ici, ça arrive tout le temps. Ouais. Près d'un répondant sur deux trouve d'ailleurs les jours qui précèdent et suivent des périodes de vacances à tel point stressant qu'il se demande parfois si cela vaut vraiment la peine de prendre congé. Ce à quoi les patrons disent, non, c'est pas la peine. En outre, 67% affirment devoir travailler plus dur, donc avant et après ces vacances, même si un collaborateur est prévu en soutien selon ce sondage chez eux. Chez ceux qui ne peuvent pas compter sur une telle aide, eh bien ce pourcentage s'élève à 81%. Devant ce constat, Securex postule qu'un bon règlement de permanence peut aider donc à rendre moins stressante la période qui précède et suit les vacances. Vous vous rendez compte qu'en 1936, les gens ont commencé par avoir 6 jours de vacances. Si ça se met, ils avaient des voitures qui roulaient à 80 à l'heure, ils mettaient déjà un jour pour aller à la mer, un jour pour revenir. Et ils tombaient sur Théo Schmeichel. Ils faisaient mauvais. Tiens, combien de temps il vous faut pour vous déconnecter vraiment du travail et pour vraiment vous dire, je suis en vacances? À peu près 2 mois. Je pense que c'est la réponse générale pour toute l'équipe. On va la prendre pour ça. Deuxième extrait, Carlos, le tiercé, c'est parti. C'est gagnant le dimanche. Alors, De quoi s'agit-il ? On n'écoute jamais assez Carlos. C'est vrai. J'ai vu passer un Français qui a gagné beaucoup d'argent hier. Non, c'est pas celui qui a mis une mise de 50 cents, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. On veut légiférer sur les paris, les publicités agressives pour les paris. Eh bien, on peut rien casser à ce garçon. Alors, ah non, rien casser. Sauf un bras, c'est Corentin Candiot, on va pas rien vous casser. Koen Gaines qui veut mettre fin aux publicités agressives pour les paris sportifs. Le ministre de la Justice veut mettre donc fin aux campagnes de publicité agressive menées par les opérateurs de paris sportifs. C'est ce que rapportent les journaux de Media Eus. Un arrêté royal en ce sens a ainsi été rédigé après l'échec d'une tentative d'autorégulation du secteur. Un arrêté royal qui est donc prêt à passer sa croissance à l'émission. J'aime bien parce que c'est vrai qu'avant le foot, on a quoi 3-4 opérateurs de paris juste avant. Ah, mais si vous voulez faire. Aujourd'hui, vous cherchez une activité lucrative. Ah oui, ça. Vous faites des paris. Bah ouais. Ah, ça, d'ailleurs, sur le Brexit, c'était super lucratif, hein, parce qu'il y a une cote de 6. Donc, pour 1000 euros, vous gagnez 6000, alors que du coup, personne. C'est-à-dire que personne n'y croyait, et pourtant, bah voilà. Donc, il y a des gens qui ont dû gagner beaucoup d'argent avec le Brexit. On n'a pas parié à Raoul. C'était fait exprès pour les gens qui ont parié. Hein. Ouais. Et maintenant, ils regrettent. Maintenant, elle regrette. Eh ouais. Et on va en parler d'ailleurs. Ce sera tout à l'heure dans l'émission avec Corentin Candy. On parlera du Brexit. Mais l'heure est venue pour vous qui nous écoutez un petit peu partout dans notre beau royaume, notamment en streaming aussi, hein, sur Internet, la première.be. J'ai chaque fois, oui, chaque fois l'impression que vous allez streaming. Dire en stream. Parce non. Que c'est les vacances. Oui, mais en Belgique, non. En Belgique, non. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031. 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Nous vous offrons 4 places pour le PASS, le musée des sciences à Framerie. Et une clé USB, la première, pour le qui est dit du jour. Je vous rappelle la phrase, ce serait inacceptable. On vous fera bien entendu des propositions. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Et puis, on va s'intéresser à l'actu avec David Watley, l'heure de la remise des bulletins. C'est tout de suite. Cette station de radio est une offense atroce vis-à-vis de la doctrine que cette école s'efforce d'appliquer. Apprendre, c'est gagner. Non, la loi, c'est l'ordre. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Profitez-en dès vendredi. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Un site d'offre d'emploi traditionnel sait que vous recherchez un poste d'employé à 10 km de chez vous et que vous parlez français, néerlandais et anglais. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Juliette, elle veut travailler au sein d'une petite équipe. En fait, elle déteste les grands bureaux paysagers et son mercredi de libre, c'est sacré. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. La première et Ouf TV présente l'expo WOW, le mouvement comme vous ne l'avez jamais vu. Tigres qui bondissent, zèbres qui galopent, lionnes en chasse, tous arrêtés en pleine action. Des scènes spectaculaires de taxidermie acrobatique, une expo d'une beauté sauvage à vous couper le souffle. Au Muséum des sciences naturelles à Bruxelles, avec le journal Le Soir. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. Solde à Maas Mechelen Village. À partir du 1er juillet, il y a jusqu'à moins 50% sur les prix outlet. Venez vendredi, samedi et dimanche faire un shopping tardif jusqu'à 21h dans plus de 100 boutiques de luxe. L'été commence ici. Tous les détails sur maasmechelenvillage.com. La première, Mobile Info. 16h18, l'heure pour nous de retrouver le maître de nos autoroutes, la voix, The Voice, comme on dirait. Jean Gabin, c'est Louis. Mais c'est ma bague. C'est lui. C'est Pierre Collard-Bovy. Pierre, que se passe-t-il sur ma route, dit-on-tout ? Eh bien, on rappelle quand même cette fuite de gaz dans la région de Namur, sur la chaussée de Dinan, aux environs de La Plandre, entre La Plante et Ouépion. La chaussée est fermée toujours à la circulation pour le moment. Des déviations locales sont mises en place et vous m'évitez l'endroit. Et vers Namur, en venant de Profondeville, vous devez emprunter le pont de Ouépion et puis la rue de Dave. Et vers Ouépion, Dinan, vous empruntez le pont de Jambes, rue de Dave, après coup. Alors, sur les lignes de Bruxelles, ben, ça va pas mal pour un soir, 17h20 déjà, 16h20. Extérieur, Grand Bigard au titre, vous mettez 17 minutes supplémentaires, plus 17 également extérieur, Zaventem, Grand Bigard, et plus 17 aussi pour l'intérieur, Zaventem, Carrefour, Léonard, plus 12 minutes pour l'intérieur au titre, Grand Bigard. C'est relativement modéré, habituel pour le moment. On signale des ralentissements sur la 201 Bruxelles, Zaventem, en direction de l'aéroport, donc n'hésitez pas à partir un petit quart d'heure plus tôt de chez vous. Des déchets de pneus pourraient vous gêner sur le 19 Mons-Bruxelles à hauteur de Nivelles. La voie centrale est encombrée en direction de Bruxelles. Dans le chantier de Le 40 Bruxelles, Aix-la-Chapelle, dans le chantier de Cherat, vous ralentissez à partir de Soumagne et vous perdez 25 minutes en direction de Bruxelles. Vers l'Allemagne, c'est fluide. Accident sur le 42 rue Matisse à hauteur de Saint-Vite. La bande de gauche est neutralisée en direction de Bâtisse. Et puis toujours ces ralentissements sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Reckem. Vous ralentissez depuis Albeek et vous perdez un gros quart d'heure en direction de la France. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Et à 16h20, nous sommes presque sérieux où vous soyez. Merci d'être des nôtres. On va relater l'actu du jour. Oui, Raoul. J'ai pas tout compris ce que Pierre disait. Ouais. Donc, prendre le pont de jambes et après la plante, aller à Wépion. C'était ça. Après la plante. Oui, la plante, j'imagine que c'est un village. C'est un quartier. C'est un quartier. Où il y avait dans le temps une plantation. On ne peut pas tout connaître. Mais... Il n'y a que Jean-Jacques. Mais... Code postal, Jean-Jacques. Mais je ne connais pas les codes postaux. C'est 5000 aidés. Ça oui. Voilà, 5000. On a dit c'est 5000 parce que c'est un quartier. C'est un quartier, oui. Vraiment le long de l'eau. Oui, on embrasse nos amis namurois. On fait de la proximité. Vous avez raison. On va commencer un débat. Et on embrasse bien entendu tous ceux qui habitent une rue des plantes. Qui habitent la plante. Qui habitent la plante. Voilà. On jouera, tiens, avec cette auditrice qui est venue nous faire un petit coucou dans la suite de l'émission avec le qui a dit du jour. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Tout dépendra de sa victoire. Si elle gagne, eh bien, on offrira le même cadeau à la personne qui a envoyé CPS au 6031 avec ses coordonnées complète, nom, prénom et adresse. On vous offre 4 places pour le pass, le musée des sciences à Frameries et une clé USB, la première pour cette phrase. Ce serait inacceptable. Des propositions qu'on fera donc dans un instant à Khadija. Et sa maman m'envoie déjà des mails. Bibassista. Ah voilà, elle me dit oui, c'est elle. Ah, vous voyez, on sait tout sur tout. On sait tout sur tout et c'est également la fin de l'année scolaire, le début d'une longue récré de 2 mois, l'heure de la remise des bulletins. Comment nos acteurs médiatiques se sont-ils débrouillés? Les enfants remettent leur cote, n'est-ce pas, David Watley? Et voilà, les vacances tant attendues par les gamins arrivent. Enfin, je vais pouvoir les laisser un peu en paix, ces pauvres enfants. Vous imaginez, hein, vous êtes en train de jouer tranquillement à l'école et un type chauve en plus, avec un micro, vous balance des questions sur les syndicats, donc il ne faut pas s'étonner d'entendre ça en fin d'année. Moi, je m'en fous un peu, c'est la fin de l'année, j'ai fini mes examens, ça va, moi. Donc c'est les vacances surtout? Oui. Donc rien à foutre de tes questions, hein, en résumé, ce qui n'empêche pas mes chers élèves de remettre leurs appréciations pour l'année écoulée. Alors, bic rouge ou bic vert, bon point ou au contraire, c'est parti, on commence avec nos leaders suprêmes, nos politiques évidemment. Pour moi c'est un échec, 4 sur 10, ah ouais. Je trouve qu'ils n'ont pas bien travaillé, ils n'ont rien fait cette année. Ils méritent quand même un 6, mais ils devraient faire un peu plus d'efforts, ils doivent plus écouter leur maîtresse. Puis ils prennent des petits cours pour l'été, je crois, parce que... pour mieux faire, vraiment mieux faire leur travail. Joël Milquet n'a vraiment pas bien travaillé, parce que sinon on ne l'aurait pas renvoyé. Alors, écoutez leur maîtresse, qu'est-ce qu'on entend par c'est ça? C'est qui au fond? Oui, qui est leur maîtresse? Ah bah alors ça, leur maîtresse. Bon, j'en connais qui vont devoir passer tout l'été à refaire des exercices, ah, mais ils sont un petit peu durs hein, ces enfants. Pourtant, ils sont bien conscients que certains veulent faire des efforts. Les syndicats, par exemple, ils n'ont pas démérité, se sont beaucoup montrés et ont fait preuve de volonté. Attention quand même, en langue de bois, ça va, malgré parfois des petits soucis. Souci de néerlandais pour Marc Goblet, mais globalement, les résultats obtenus par les syndicats sont-ils mitigés ou pas? Ils ont beaucoup moins à travailler parce que justement, grève, ça veut dire plus de congés. Ils en ont fait, oui, un peu trop, je trouve. Comme ils ont fait grève en prison, bah, ils devraient rattraper tout ce qu'ils n'ont pas travaillé. D'accord, ils peuvent passer, mais il faut peut-être faire que les efforts l'année prochaine s'améliorent. Parce que cette année, c'était limite. Limite. Vous imaginez le lien que les enfants font aujourd'hui entre la grève et congé. Pour eux, c'est congé. Grève est devenue le synonyme de congé pour les enfants. C'est quand même fou. Vous imaginez la grève en prison, c'est vraiment ne rien foutre du tout. C'est ça. Alors, il y a ceux que les enfants n'ont absolument pas voulu sauver. Ce sont les terroristes, malgré toutes les bonnes volontés des gamins et leur foi en l'avenir. Ils n'en peuvent plus. La cote d'exclusion a été requise à l'unanimité contre Daesh. Les terroristes, eux, ils ont beaucoup travaillé, mais ils auraient dû rester là où ils étaient. Ils nous ont carrément foutu notre année. Donc, je trouve qu'ils devraient partir de là et ne plus revenir. Moi, les terroristes, ils auront moins 10. Tu remettrais quoi comme remarque à leurs parents? Ils doivent changer leur comportement en classe, trop agité. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Quand c'est dit par un enfant, on fond. Terminons enfin par les premiers de classe. Vous en parliez déjà hier. Les Diables Rouges sont évidemment les chouchous. Ils sont forts. Ils pourraient même aller jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Europe. J'y crois. Justement, ça m'amuse à aller klaxonner avec mes deux petits frères, surtout les deux petits là. Quand à peine qu'ils ont mis un goût, ils ont commencé à hurler. Donc c'est ça que j'étais bien contente pour eux. L'enfant prend la voiture pour aller klaxonner avec ses petits frères. On est à jeu mettre sur nos. Hein. Oui, c'est là que je comprends pas bien. On conduit très tôt. Très tôt en région liégeoise. Hyper tôt, faut bien qu'il tient le drapeau à l'extérieur. Ah, mais quel papa, drapeau? Parce que le truc aujourd'hui. Italien en général. De manière générale, c'est aujourd'hui, si vous allez chercher un drapeau belge, on vous donne un drapeau et vous dites non, c'est pas celui-là que je veux. C'est avec le logo au milieu là. Ouais, jupilaire maintenant. Oui, voilà, le drapeau normal belge ne séduit plus. Je ne comprends pas. Celui-là est gratuit au moins. Chronique, vous allez la retrouver sur le rtbf.be/ovio. Merci mon David Ouattelet. Et dans la suite, eh bien, on s'intéresse au top 3 signé Raoul Reyers. Hey, Raoul, ça fait du bien. Raoul, je dis ça, je dis rien. Le directeur d'antenne dans les parages, il y a un truc à vendre. Oh, il est là. Ouh là là. Il n'y a rien à vendre. Un grand cadeau. Vous avez vu comme il est superbe aussi quand il rentre dans le studio. Moi, je trouve qu'il a déjà il a un côté Alain Delon comme ça. Ouais, il rentre, on le voit comme ça. Un peu Georges Clooney. Toutes les filles se retournent. C'est vrai. Si on continue l'émission, parce que il me dit continue. On perd des auditeurs. Alors, on gagne en auditrice. C'est malin, je suis stressé à mort. En numéro 3, il truquait les appels d'offres par laparoscope. C'est quoi laparoscope? Un laparoscope, c'est un instrument doté d'une caméra miniature habituellement utilisée par les chirurgiens pour visualiser l'intérieur de l'abdomen. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est un maire italien qui, chaque fois qu'il faisait un appel d'offres, il allait voir avec sa petite caméra dans les enveloppes qui avaient remis les offres. Et comme ça, il truquait avec l'une avec des ses offres. Copains, quoi. Ouais. Oui, pour avoir les 7%. Ah, de... ouais. Ah, ouais. Et voilà. Et la police a trouvé ça, mais en réglant une toute autre affaire. Ah oui. C'est incroyable. C'est italien. C'est phénoménal. Allez, mais je n'en veux pas. L'amalgame. En même temps, vous donnez un paquet d'idées. C'est phénoménal. Vous imaginez, bon, il faut déjà trouver un laparoscope. C'est pas du tout évident. Bah, déjà, faire entrer ça dans une enveloppe, c'est phénoménal. Il faut quand même y aller. Par le petit trou, là. Il y a des trucs plus classiques. Vous prenez de la vapeur d'eau. Vous faites passer l'enveloppe dessus, vous décachetez l'enveloppe et puis vous la recollez, ni vu ni connu. On sent le mec qui a triché quelques fois. Vous, c'était plutôt les enveloppes et les examens. Écoutez, en numéro 2. Le plus grand restaurant sous-marin ouvrira bientôt ses portes aux Maldives. C'est magnifique, mais j'y pense. Au fond, les poissons, parce que vous voyez les poissons quand vous mangez. Ouais. Ils pourront vous voir manger, mais qu'est-ce que vous allez manger? Les poissons. Regarde Nemo, cette belle sole devenue meunière. Eh bien, c'est maman. J'espère au moins que l'eau sera gratuite. Allez, en numéro 1. Écoutez, il vient de me sauter aux yeux, le titre, ça doit être de la presse locale. Skarbek, le PTB, veut que les écoliers savent nager. C'est vraiment de la presse locale. Ah, c'est beau, on restera là-dessus. Je n'ai rien à dire là-dessus. Plus de commentaires. Dans la suite, on joue avec l'actu du jour, le qui a dit, ce sera inacceptable. Et on fera jouer une auditrice qui est venue nous faire un petit coucou ici dans les studios. Et vous tenterez de gagner la même chose si elle gagne. Oui, 4 places pour le pass, Musée des Sciences à Frameries. Faites-vous plaisir, on rajoute à cela une clé USB. Vous vous inscrivez en envoyant simplement ces 3 lettres CPS au 6031, nom, prénom et adresse. 75 centimes le message. On s'informe à 16h30 et on poursuit cette aventure sur la première presque sérieusement. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants vous feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry et en voix française Patrick Poivre d'Arvor. Tickets sur hommegang.be. Avec la première, la Loterie Nationale, l'Ambassade du Japon, Léonidas et la bière Homme Gang. Jour main, jour pas. Salut fiston. Bonne journée mon lapin. Oui, sauf que j'ai un problème en maths. Ah non, pas. Besoin d'aide pour accompagner la scolarité de vos enfants? Pour préparer les examens de passage ou revoir la matière avant la rentrée, faites appel au cours particulier à domicile Educadomo. Plus d'infos sur educadomo.be. Le beau vélo de Ravel, en partenariat avec Engie Electrabel. tous à tourner ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases d'Epolo et de Grand Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec la première et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Camille, vous cherchez quelque chose ? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. Le Festival Musical de Namur. 11 concerts de prestige pour une édition très colorée avec de véritables hits de la musique baroque. Du 1er au 9 juillet, dans le cadre du Festival de Wallonie. Info, festivaldenamur.be. Avec la première. La première et la 3 présentent. Aujourd'hui, la photographie est partout. Aujourd'hui, la photographie montre tout. Mais c'est au musée de la photographie à Charleroi qu'elle se dévoile le mieux. Et si vous veniez à sa rencontre ? Plus d'infos, museephoto.be. Avec la complicité du journal de soir. La première. Il est 16h30. Pour vous informer, Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Le verdict est tombé dans le procès LuxLeaks. C'est cette affaire d'accords fiscaux secrets entre le Grand-Duché du Luxembourg et des multinationales. Ce procès était assez symbolique au sujet du rôle des lanceurs d'alerte. La justice luxembourgeoise a condamné Antoine Deltour, ancien employé de la firme PricewaterhouseCoopers, à 18 mois de prison avec sursis. Antoine Deltour, c'est le lanceur d'alerte. Son ancien collègue Raphaël Allais, lui, a été condamné à 9 mois de prison avec sursis. Et enfin, le journaliste de France 2, Édouard Perrin, celui qui avait révélé en télé les pratiques fiscales du Grand-Duché grâce aux documents d'Antoine Deltour, a été acquitté. Un sommet à Bruxelles aujourd'hui, un sommet à 27 sans le Premier ministre britannique David Cameron. Un sommet pour réfléchir à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi se projeter dans l'avenir. C'est ce que nous ferons aussi dans Soir Première avec cette question. Quelle sera l'Europe à 27 après le Brexit ? Pascal Claude recevra à 17h45 Vivien Pertuzot, le responsable de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales à Bruxelles, et Fabien Willermain, spécialiste de l'Union européenne à l'Institut Egmont à Bruxelles. Et puis enfin dans le journal de 17h, nous reviendrons aussi sur ce triple attentat hier à l'aéroport d'Istanbul. 3 hommes ont ouvert le feu avant de se faire exploser dans le terminal des vols internationaux. Bilan, 41 morts et 239 blessés. Voilà pour l'info, Walid. Merci Marie, retour dans l'information dans 28 minutes à 17h avec Diane Burgel-Vernet. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et pas que de beaux esprits qui vous entourent en ce mercredi. Ce sont bientôt les vacances, hein, et nous allons nous intéresser à une auditrice qui part bientôt en vacances. Bonjour Khadija. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Soyez pas très timide. Vous avez quel âge ? J'ai 15 ans. Et vous êtes fan de cette émission, on m'a dit. En fait, c'est ma maman qui l'écoute. Ah. Non, on va recommencer. Donc, maman a menti. Oui, j'adore. Elle écoute pour elle. Hein. Vous lisez la presse. L'actualité vous intéresse. Oui. Oui. Vous avez eu votre bulletin. Oui. Et j'ai un examen de passage. En néerlandais. Histoire. Ah, histoire. Histoire, ça va. Ouais, ça va. Ouais. Histoire bégaye. Je croyais qu'on ne pouvait plus doubler, moi, de toute façon. Non, examen de passage, c'est pas doublé. Non. C'est juste des... Et si on le rate, on peut quand même passer à l'année. Et c'est juste pour nous remettre un peu dans le coup. C'est pas encore, je votais. Hein. De revenir sur nos 15 ans. C'était quoi les questions d'histoire en histoire cette année? Ah, c'est bien ça. Alors là. Ben, c'était sur Sparte, Athènes. Sparte, Athènes, ah oui, la Grèce, quand même. Le Grexit. Ouais. Hein? Jean-Jacques a une vision sur la Grèce. Les îlots, ah oui, il faut se méfier. Méfiez-vous de la Grèce antique, oui. Il vaut mieux changer souvent. C'est clair. Khadija, une phrase. Et vous jouez pour un auditeur également, Khadija, donc vous ne jouez pas que pour vous. Ce qui veut dire que si vous perdez... L'auditeur perd. Bien joué. Bien joué, Khadija. La phrase que je vous propose, la voici. Mettez pas la pression. Qui aurait pu dire, ce serait inacceptable. Nos chroniqueurs vont vous faire des propositions. En attendant que nos chroniqueurs vous font des propositions, je vous encourage, vous qui nous écoutez, à vous inscrire en envoyant donc CPSO 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous repartirez au même titre que Khadija, avec 4 places pour le pass, le musée des sciences à Framerie, près de Mons, ainsi qu'une clé USB, la première. Ce serait inacceptable. Jean-Jacques Jespers. Eh bien, c'est Jean-Claude Goblet, le frère de Marc Goblet, qui n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde politique que lui, parce que lui, quand il montre le poing, c'est avec le bras tendu. Mais il trouverait quand même inacceptable qu'on veuille virer son frère de la direction de la FGTP. Voilà. Ce serait inacceptable, Raoul Reyers. Retirer la loi travail, ce serait inacceptable, a déclaré Laurent Berger de la CFDT. Ne pas distribuer les pastilles d'iode serait inacceptable, a déclaré Marie de Bloch. Des supporters belges qui brûleraient un drapeau italien après un match, ce serait inacceptable. Vous en voulez encore ? Ah oui, il y en a beaucoup, en fait. Ah oui, tout le monde dit ça tout le temps. Hein. Ce serait inacceptable. Ce serait inacceptable. Bientôt, la citation du jour, ce sera « oui, peut-être ». Eh oui, pourquoi qui aurait pas pu dire « oui, peut-être » Eh mais, attendez, je vous promets, ou juste d'ici oui. le 15 juillet, je le fais. D'ici le 15 juillet, il y aura un « oui, peut-être » qui a dit « bonjour ». Ouais, pourquoi pas. Vincent Flibustier, tiens. Eh bien, c'est Albert On viendra vous dire « bonjour » bientôt aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors Eh bien, c'est Albert II qui a affirmé qu'il refusait de défiler en slip à l'Homme Gang, comme l'avait proposé Bart de Wever. Albert II. Corentin Candy. Eh bien non, c'est le Mahatma Gandhi. Il a dit ça quand on l'a prévenu qu'à 50 ans, toujours porter des langes n'était pas très sérieux, et que s'il avait chaud, il pourrait au moins enfiler un short en jean. Ce serait donc inacceptable. Ouais. Et enfin, David Watley. C'est moi qui ai le truc le plus débile. Madame Sturgeon, dirigeante du parti indépendantiste. Comment? Sturgeon. Ah, ok. Sturgeon. Mm-hmm. Nicolas Sturgeon. Non, oui. Dirigeante du parti indépendantiste écossais. Alors, ma chère Khadija, je vous rappelle les propositions. Jean-Claude Goblet, Laurent Berger, Maggie de Bloch et les autres. Albert II, Gandhi ou Madame Sturgeon. Ce serait inacceptable. Procédons par élimination, autrement dit, c'est un QCM. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. On enlève et on garde la dernière bonne réponse. Alors, elle a une goutte de sueur. Hein. Vous voyez, c'est la peur. Alors, Jean-Claude Goblet, on garde ou on élimine ? Il paraît que Jean-Claude Goblet, c'est le verre à moitié vide. Et l'autre, c'est le verre à moitié rempli. Alors, Jean-Claude Goblet, on garde. Plein, non, on garde pas. Non. On garde pas. Laurent Berger, Maggie de Bloch et les autres, on garde ou on garde pas ? Non. Non. Je rappelle que Jean-Jacques Jespers était très mauvais en triche à l'école. Hein. Je vois, c'est le seul qui fait avec son doigt. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Albert II, ce serait inacceptable. Non. Non, vous avez raison, vous avez raison. Et cette fois-ci, ma chère Khadija, je ne vais pas vous aider. Un choix cornélien. D'un côté, Gandhi, de l'autre, Madame Sturgeon. Qui aurait pu dire, ce serait inacceptable. Gandhi ? Il l'a certainement dit dans sa vie, Gandhi. Oui, il l'a sûrement dit ça. Il l'a certainement dit, une certainement fois. Dit. Il parlait français. Mais Madame Sturgeon, vous verrez que si vous continuez comme ça, Khadija, vous allez voir Madame Sturgeon dans l'histoire. Dans quelques années. Oui, oui. Mais on n'a pas dit que ça allait être Gandhi, je pense pas. Non, j'ai pas compris ça comme ça, moi. Vous avez dit Gandhi. D'ailleurs, vous restez sur Gandhi, vous voulez changer. Vous pouvez changer. La phrase exacte, c'est « It would be unacceptable ». Yes. Mais Gandhi parlait anglais. Ah ouais, merde. Alors. Attendez, on va faire comme à l'école. Attendez, bougez pas. Hop, j'écris la réponse sur la feuille. Et je l'envoie en boulette de papier à Khadija, qui devrait normalement, si le prof ne nous voit pas, pouvoir lire la bonne réponse. Attrape. Raoul, fais diversion. Voilà. Alors, la bonne réponse, c'est... Madame Sturgeon. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Elle a réussi son examen. Alors, attendez, c'est là que ça se complique. Pourquoi ? Elle aurait dit ça. Ce serait inacceptable. Ah oui. Refaites une boulette, Walid. Oui, ce serait trop long, ce serait envoyer tout le papier. Alors, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, l'a reçu ce matin. Et effectivement, l'Écosse, qui fait partie de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, de l'Angleterre, eh bien, souhaite rester au sein de la Commission européenne et donc ne pas subir les conséquences de l'Union européenne, ne pas suivre les conséquences du Brexit. Et là, ça réveille aussi un petit peu les indépendantistes, hein, comme les Catalans et les Flamands, peut-être un peu, pourquoi ? Mais non, parce que Bart a une toute autre explication, lui, que je ne sais pas expliquer parce que je ne comprends rien le néerlandais. Mais vous avez raison. Mais donc, voilà la raison pour laquelle elle a été rencontrée aujourd'hui, Jean-Claude Juncker, Madame Sturgeon, qui doit également rencontrer en début de journée, qui a rencontré en début de journée Martin Schulz et les chefs des groupes politiques de cette assemblée. Les Écossais qui ont voté, eux, à 62% pour un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne lors du référendum. Il faut savoir que c'est en fait beaucoup de jeunes qui ont voté pour le maintien et les vieux ont dit non, non, on a envie de partir. Oui, mais il y a beaucoup d'abstention chez les jeunes. Oui, il y a beaucoup d'abstention chez les jeunes, surtout les très jeunes. Tiens, Khadija, vous resteriez, vous, en l'Union européenne ou pas? Vous pouvez dire je m'en fous. Hein. Mais je m'en fous. Je pense que ça se tient. Je pense que ça se tient. Merci pour votre bonne humeur, Khadija. Voilà. C'est à l'image un peu de Kevin De Bruyne. Je m'en balèque. Oui, pourquoi pas. Bah, restez avec nous, Khadija. Vous avez gagné donc ces fameux cadeaux que nous allons également envoyer à un auditeur qui s'inscrit. 4 places pour le pass Musée des Sciences à Framerie, près de Mons. De quoi s'occuper donc en famille cet été, ainsi qu'une clé USB, la première. Restez-nous fidèles dans la suite. On s'intéresse à l'actualité avec. Vous savez quoi, j'ai sur ma feuille un morceau que jamais de ma vie j'aurais pu croire entendre un jour sur la première. Rage Against the Machine. Beyoncé et Jay-Z. Wow. Crazy in Love. Allez, je vous jure. On va danser sur la table. Je vous promets, jamais de ma vie j'aurais pu croire un instant, un jour de ma vie, qu'on aurait pu entendre ce morceau. Mais la première évolue tous les jours. Je sais, mais c'est pour ça qu'on va pas l'écouter. C'est pour pas trop pas trop déconcerter le public. Voilà. Ouais, c'est ça qu'on aurait pu entendre. Hein, Khadija, vous connaissez ce morceau? Ah bah voilà, nos auditeurs pas. Bon, on s'intéresse à l'actualité cette fois-ci avec Corentin Candy. Mais avant Corentin, on va inciter nos auditeurs à s'inscrire pour repartir avec un pack La Première, chargeur, une tasse aux couleurs de La Première, une clé USB. Venez jouer avec nous au presque jeu des dictionnaires avec un mot extrait d'un article de presse qui fait référence à l'actualité du jour. N'hésitez pas, vous vous inscrivez, tout comme Khadija, vous verrez, vous gagnerez. Corentin Candy, de quoi allons-nous parler avec vous dans un instant? On va parler des gens qui regrettent. Des gens qui regrettent, ouais. Eh bien, ne regrettons pas, c'est tout de suite. Oh, des regrets. On compte des dizaines d'articles de presse, de tweets, de vidéos sur ces milliers de regretteurs, hein, ces gens qui ont voté pour sortir de l'Europe et qui l'ont regretté moins de 10 minutes après le résultat du vote. Effectivement, Walid, ces gens ont voté pour la sortie de l'Union Européenne après une centaine de débats, des milliers d'articles de presse, donc en parfaite connaissance de cause, aurait-on pu penser. Mais voilà, 10 minutes après les résultats, après l'effondrement de la bourse, de la livre et de la perte d'un tiers de leur épargne, voici que tous ces gens se mettent tout à coup à couiner. Ne me quitte pas. Pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier. Mais voilà, tous ces gens qui votent pour le Brexit, qui le regrettent 10 minutes plus tard, je me dis que c'est peut-être mieux d'en être débarrassé. Mais oui, on a déjà assez chez nous, avec tous ceux qui ont voté Laurent Louis, pour ne pas en plus se taper ceux des autres. Quand je vois le niveau de ces gens qui veulent me quitter, c'est humiliant, j'ai l'impression d'être une femme, enfin la femme, à qui Van Cohenberg a foutu un râteau. Quand je pense à ces 17 millions de gens, j'ai envie de me ruer dans une salle de gym, de courir vers le cheval d'arçon, de prendre mon élan, de faire une battue sur le petit plinth, là, le petit tremplin ridicule, ouais. Et puis de m'élever d'au moins 40 cm avant de retomber et de m'écraser les parties charnues mais magnifiques, sur les poignets du cheval d'arçon, et là, de me mettre à chanter, les mecs. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Pour Khadija, c'était la Beyoncé de l'époque. C'est moi qui chantais. C'est après m'être compressé les parties charnues sur le cheval d'arçon. Non, c'est après m'être. C'est moi qui chantais. Effectivement. Donc ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis un peu baroudeur, que j'ai pas mal roulé ma bosse. Je connais deux citoyens britanniques rencontrés dans un all-in quand je découvrais l'Espagne à sac à dos grâce à Neckermann. J'ai donc des amis qui habitent à Londres, qui m'écrivent tous. On a souvent vu rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait éteint, etc. Tous ces gens m'inondent de messages. Tenez, je vous laisse écouter. Ne me quitte pas. Oui. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Eh bien, si Nigel Farage, le Laurent Louis anglais, a donc gagné, il a trouvé 17 millions d'électeurs capables de suivre le raisonnement d'un Laurent Louis. Il a Laurent Louisé l'Angleterre. Comme Raoul le hurlait encore dans ma loge il y a 10 minutes, le suffrage universel, quelle plaie! Bon, en fait, on s'est débarrassé de 17 millions de Trump, de Farage, de Modric Amen, c'est que du bonheur, c'est comme se faire quitter par une moche. Bon, après avoir été quitté comme ça, je sens bien que je vais un peu verser dans le porn revenge. Je ne sais pas vous, mais moi je vais leur balancer toutes mes vidéos avec une anglaise un peu coquine sur les réseaux sociaux. Je vais balancer sur Facebook et sur Twitter toutes les vidéos où mon ex-anglaise éternue juste au moment où elle se brossait les dents. Sa vie est finie. Mais c'est pas tout. J'ai balancé la vidéo, elle a un immense rhume et elle éternue en plein dans son porridge. Une chatte n'y retrouvait plus ses petits. Tiens, prends ça l'anglaise. Les gens qui ont voté en faveur du Brexit, c'est comme tous ces gens qui se font tatouer un grand dauphin rigolard sur une planche de surf avec des grandes flammes tout autour. Le dauphin tient une guitare électrique dans ses mains. Eh bien, 10 minutes après, il regrette. Alors 20 ans et 3 enfants après, tout le monde leur demande pourquoi ils ont voulu avoir un pélican ambidextre avec un bec qui sort d'un kayak en pain d'épices en faisant le salut nazi. Après 42 ans de cohabitation, fatalement, je peux comprendre qu'ils aient eu envie de foutre le camp. 42 ensemble, c'est plus de l'amour, c'est de la paresse. Le paysage conjugal n'est plus supportable au bout de 42 ans de cohabitation. Et pourtant, nous sommes pleins de recoins, pleins d'aperçus inattendus. Nous avons des lueurs par moments extraordinaires. Il faut nous voir au couchant lorsque le soleil vient se refléter dans nos yeux. Évidemment, ce n'est plus la passion des débuts. On commençait à s'installer dans une routine de vieux couples. On se promenait en calbute dès qu'il faisait plus de 22 degrés. On ne prenait plus de douche pour laisser agir les phéronomes. Tu parles, les phéronomes. Bref, elle nous a dit, l'anglaise, qu'elle pense qu'un petit break, ça lui ferait du bien. Elle a envie d'acheter une kangou, quoi. Un kangou break, c'est mon nouvel humour. Featuring Gildal. Alors, pour conclure sur les roues, 25 000 votes. Comme ça, tout le monde y passe. 25 000 votes ont été rejetés parce que les gens avaient voté pour les deux. Ils ont voté Leave et We Remain. 25 000 quand même. Et ces gens-là, eh bien, ils ont le droit de vote. Pour vous dire, parmi mes voisins, par exemple, il y en a un sur deux, après 10 ans dans ma rue, qui ne comprennent toujours pas quel jour il faut sortir les poubelles. Alors, je vous épargne leur confusion pour le jour des sacs jaunes et le jour des sacs bleus. Ces gens ne savent pas quel jour on sort le sac jaune, mais par contre, ils ont droit de vote. Et le résultat, c'est Nigel Farage, c'est Laurent Louis, c'est Donald Trump. Voilà. Merci, Quentin Candy. Et on embrasse tous les roues, bien entendu. Hein. Bien sûr. À qui, vous savez qu'il m'en a déjà parlé, ça le chipote, cette histoire de poubelle. Il m'en a déjà parlé. Écoutez, ça perturbe. Dans ma loge. Ça perturbe n'importe qui. Bon, dans la suite, on joue avec le presque jeu dédico. Un mot pour une actualité que nous allons tenter de découvrir ensemble. Une presque star également qui sera avec nous. Et nous continuons l'aventure presque sérieuse avec vous, nos auditeurs chéris. Restez sur la première, à tout de suite. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants vous feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry et en voix française, Patrick Poivre d'Arvor. Tickets sur hommegang.be. Avec la première, la Loterie Nationale, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. Essuie de sport ou essuie de bain? Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. La première et la 3 présentent le Festival au Carré. Découvrez événements exclusifs, petits moments surprenants, talents d'ici et énergie du monde entier. Théâtre, concerts, fêtes et gastronomie. Le Festival au Carré, c'est votre premier rendez-vous de l'été. À Mons, du 1er au 9 juillet. Info, lemanège.com. Lemanège.com. Avec le soir. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La première présente le 27e Festival interculturel du Conte de Chigny. Tout un monde imaginaire, de vrais mensonges, de fausses vérités. À découvrir à Chigny, c'est 8, 9 et 10 juillet sous le soleil de Gaume. Plus de 80 spectacles et animations en intérieur et extérieur. Chacun y trouvera son compte. Info, conte.be. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Avenir du Luxembourg. La première, Mobile Info. 16h48, Pierre Collard-Bovy, un point sur nos conditions de circulation. Oui, avec une circulation sur le ring qui se densifie quelque peu, mais ça reste encore raisonnable. 23 minutes, j'ai réfléchi ma balle. 31 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Billard, plus 24 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 21 pour l'extérieur Grand Billard au titre, plus 14 pour l'intérieur au titre Grand Billard, et plus 12 minutes pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem. Des déchets de pneus sur le 19 Mons-Bruxelles à hauteur de Nivelles, voie centrale encombrée en direction de Bruxelles. Des ralentissements sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Reckem. Vous perdez une bonne quinzaine de minutes en direction de la France. Et puis des travaux qui vous ralentissent sur le 403 Bruges, Tournai. Vous perdez en gros 10 minutes, 12 minutes même en direction de Tournai. Et puis sur le, dans le chantier de l'E40 Bruxelles, que ça j'appelle dans le chantier de Cherat vers Bruxelles, il y a des files à partir de Melun et vous perdez une grosse vingtaine de minutes. On signale également un véhicule en panne sur la nationale 63 Liège-Marchand-Famenne à hauteur de Boncelles. La bande de gauche est encombrée en direction de Marchand-Famenne. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Anna, notre presque star du jour, sera avec nous dans une poignée de minutes. Le temps pour nous d'aller du côté de Profondeville, à Lèves, avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Walid. Vous allez bien? Ça va bien et vous-même? Eh bien écoutez, ravi de vous avoir avec nous. Jean-Louis, vous êtes traiteur. C'est bien cela? Exactement. C'est-à-dire que vous traitez des gens. Vous sortez dans la rue, vous traitez des gens. Traite tout. Monsieur, il m'a traité. C'est quoi votre spécialité, tiens, Jean-Louis, en qualité de traiteur? La canette, le foie gras en hiver. La canette de coca. Par exemple. Mon cher Jean-Louis, nous allons vous offrir un pack, la première, avec le chargeur, la tasse aux couleurs de la radio, ainsi qu'une clé USB. À vous déterminer quelle est la bonne définition du mot que je vous propose sans plus attendre. Kiev. Alors Kiev ou kif, à vous de déterminer comment on peut le prononcer, mais c'est K-I-E-F. Des définitions et Raoul pour commencer. Eh bien, on le sait, il y a Rome en Italie, Rome dans l'État de New York, Rome en Géorgie, mais il y a la Géorgie en État des États-Unis ou la Géorgie aux confins de l'Europe et de l'Asie, comme il y a un Kiev en Ukraine, un Kiev en Russie. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un Kiev dans le Brabant wallon, entre Chaumont-Gistoux et Sérou-Mousty. Ah bah voilà, en fait, ça s'écrivait Kiev, K-I-E-F, comme la ville russe, mais l'employé communal a fait une fois une erreur et c'est devenu Kiev avec F. Kiev, un petit verre, on a soif. Kiev. Dans le Brabant wallon. Alors, on va demander à David Boitelet, Kiev. C'est un nom masculin qui désigne les manies des footballeurs avant un match, genre ne porter qu'un seul slip pendant toute la compétition. C'est un Kiev. Avec un K, comme je m'en bats les Kiev. Les Kiev. Les Kiev. Bien sûr, manie de footballeur. Jean-Jacques Jespers. Non, évidemment, ce mot vient de l'arabe, de l'arabe kif, qui veut dire semblable, comme dans kif-kif. Alors, un Kiev, c'est tout simple, c'est un sosie, mais basané. Il m'a fallu demi-seconde. Je promets, il est bon. Corentin Candy, le Kiev. Eh bien non, Kiev, comme dans Kiev de Bruyne ou Kiev de Kostner. Kostner, non? Kostner. Kiev qui vient de l'arabe Kef, qui veut dire plaisir. Alors en fait, c'est une plage de repos absolu. Au milieu du jour, chez les Orientaux, coucou, les Orientaux, on le rencontre dans l'expression « j'ai bien kiffé ». J'ai bien kiffé, ok, ouais. D'accord. Et enfin... Vincent Flibustier. C'est tout simplement comme ça que les Belges ont toujours dit. C'est ce que les Belges ont toujours dit lorsqu'ils vont dans la capitale de l'Ukraine. Je vais à Kiev. Ouais, ah, okay. C'est tout. Okay, les Wallons, quoi. Les Wallons, tout simplement. Ouais. Capitale de l'Ukraine en Wallon, bien entendu, pour Vincent Flibustier. Nous avons le plaisir, nous avons sosie, mais basané. Nous avons une certaine manie de footballeur. Kiev. Ville dans le Brabant wallon. Village, autant pour moi. Soyons pas fous. Mon cher Jean-Louis, à votre avis. C'est un peu confus. Hein. Oui, tout est plausible avec vous. C'est ça le problème. Ah oui. Tellement bien raconté que. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé ce mot au quotidien, par exemple? Le kiff, oui. Le plaisir. Ouais. Et donc, vous diriez? Moi, je dirais ça. Eh ben, c'est gagné, effectivement. Bravo. Plaisir. Ouais. Merci. Alors, pourquoi plaisir? Et je vais vous expliquer comment tout s'est passé. C'était dans le bureau. Ça a duré 3 minutes. Oula. Raoul Reyers m'a envoyé un mail en me disant « j'ai trouvé un mot ». C'est mieux que Jacques Chirac. Et je lui ai dit « Raoul, quel est le lien avec une actualité quelconque ?» Il m'a dit « c'est bientôt les vacances, donc j'ai c'est bon. Le plaisir ». Donc voilà comment ça s'est résumé, rapidement. Jean-Louis, on vous envoie rapidement, nous aussi, le pack, la première, un chargeur, une tasse et une clé USB. Restez-nous fidèles du côté de Lèves, à Profondeville. Et restez avec nous, car là, tout de suite, on accueille Anna. Anna, c'est notre presque star du jour. C'est presque sérieux, sur la première. Bonjour Anna. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Eh bien écoutez, ravi de vous avoir avec nous. On parle dans la presse de vous, mais pour quelle raison ? Ils ont une minute pour le découvrir, pas une minute de plus. Et nous intéresserons à vous dans un instant. Je ne réponds qu'à oui ou non à vos questions. Chers amis, allez-y. Est-ce qu'Anna est une peintre de la Louvière ? Anna est une peintre de la Louvière. On ne peut rien vous cacher, non. Mais ce n'est pas d'elle dont on parle. Est-ce qu'Anna a brûlé un drapeau belge ? Anna, non. Est-ce qu'Anna a été soufflée ? Anna a été soufflée, oui, on l'entend. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'Anna fait du sport ? Anna fait du sport, non. Est-ce qu'elle a un rapport avec le Brexit ? Est-ce que Anna a un rapport avec le Brexit ? Absolument pas, mais pas tout à fait. Est-ce que c'est une artiste ? Une artiste ? Non, pas comme ça. Elle crée quelque chose ? Pardon ? Elle crée quelque chose ? Elle a créé quelque chose, oui. Un événement ? Pas un événement. Une organisation ? Une association ? C'est un peu les deux, ouais. Une application, non. Elle accueille des Anglais chez elle ? Non. Un site, elle a créé un site. Elle n'a pas créé un site. Elle accueille des gens. Elle accueille. Un rapport avec le foot. Alors, elle accueille des gens, oui, mais pas chez elle. Ah, c'est pas Adopte un Belge ? C'est pas Adopte un Belge ? Non, ça c'était hier. Oui, c'est vrai en plus. J'ai écouté, je vous promets, j'ai écouté. Ouais, bien sûr. Non, c'est pas ça. Alors, attention, je vous reste 15 secondes. Adopte un Français ? Non. Adopte un mec ? Non. C'est social ? C'est social, oui. C'est un rapport avec les enfants. C'est un double intérêt, en fait. Ça la fait rire, en tout cas. Et un intérêt général ? Oui. Et c'est perdu. Oh, eh oui, je suis désolé. C'est trop compliqué. Ben alors, je vais vous expliquer. Anna Bonnier, vous êtes tombée par hasard sur un dépôt de tissu, mais pas n'importe où, du côté du canal de Molenbeek. On dit Molenbeek chez vous, puisque vous êtes française, c'est bien ça ? Oui, bon, j'ai pris le pli maintenant. Voilà, et vous étiez une ancienne stagiaire de la Commission européenne spécialisée dans la prévention des conflits internationaux. Wow. Et puis en 2014, vous avez décidé de tout larguer pour vous lancer dans votre propre affaire. Expliquez-nous tout ça. Voilà. Et ben donc c'est un peu près ce que vous avez dit quand vous disiez que le phare, justement, ça s'appelle le phare du canal, où on accueille des gens, on rencontre aussi des gens. On a un café-restaurant donc au rez-de-chaussée, et au premier étage, on a un espace de coworking. Mmh. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais, c'est un espace qui combine restaurant et voilà, de travail. Un espace de travail partagé où on accueille les entrepreneurs, les freelances de Bruxelles. Mmh. Et donc le projet a forcément retenu l'attention de beaucoup, dont le fonds européen, les fonds européens du FEDER, c'est bien ça. Et vous avez du monde qui vient. Ah ouais, mais nous on a un vrai, à la fois dans le café au rez-de-chaussée, où on a une vraie vie de quartier qui se crée depuis maintenant 10 mois, puisqu'on a ouvert le 26 septembre dernier, et aussi dans le coworking, où on a plein de profils différents, des graphistes, des entrepreneurs dans le web, des entrepreneurs sociaux. Comment ça se passe si moi je souhaite venir et me dire tiens, je veux travailler, est-ce qu'il y a un coût ? Combien ça coûte ? Est-ce que ça... Bah, soit vous voulez travailler dans le café, vous pouvez profiter du wifi comme dans n'importe quel café, voilà, et du café, du très bon café. D'accord. Attention. Ouais. Soit sinon vous décidez de vraiment d'avoir un lieu de travail dédié avec une machine à café, une machine à thé, une imprimante, une salle de réunion, des bureaux. Et donc là vous montez au premier étage et vous avez vraiment donc un open space avec plein de bureaux, plein de gens qui sont là autour de vous. Et donc là vous louez soit sur une courte période, demi-journée, journée, ou au mois, ou passe 10 jours. Ah, c'est pas mal ça. Donc si vous voulez travailler sur des projets particuliers avec une équipe, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour du côté de Molenbeek. Effectivement, le Coworking Café, on mettra toutes les infos sur le Facebook de l'émission et sur la page de la première. Un espace qui combine donc un restaurant en rez-de-chaussée et un espace de travail pour les jeunes entrepreneurs. Un projet que nous souhaitions mettre en avant. Vous étiez notre presque star du jour, ma chère Anna. Restez comme vous êtes, ne changez rien surtout. Merci. Et nous, on s'informe dans la suite sur la première. Restez surtout presque sérieux. La Une présente Amadeus, la confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Amadeus, le grand spectacle d'été à l'abbaye de Villers-la-Ville. Réservation amadeus2016.be. Avec la première, Audi Financial Services, Orez et Duvel. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Un nouveau smartphone ! Ah oui, ça sonne bien, ça. Ou des vacances au soleil ! Oh, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Profitez d'un smartphone Samsung Galaxy S5 Neo d'une valeur de 399€ à 299€ seulement. Dès ce vendredi et même ce dimanche 3 juillet, rendez-vous dans tous nos magasins ou sur Mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. La météo. Bonne fin de journée à tous. Les dernières éclaircies, c'est pour l'est et le sud du pays. Les températures ont atteint et dépassé les 20 degrés en pas mal d'endroits. Ce soir, la pluie nous revient et par l'ouest et le littoral. On notera toujours un vent modéré de secteur sud-ouest et des minima de 12 à 15 degrés. Demain matin, encore assez bien de grisaille, quelques fines pluies ou bruines. Dans le courant de la journée, elles vont s'éloigner par les reliefs de l'Ardenne. Les éclaircies reviendront lentement par l'ouest. On notera de 16 à 19 degrés pour les maxima. On s'attend encore à pas mal d'averses pour la journée de vendredi. Elles diminueront samedi pour disparaître dimanche. La première. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Le gouvernement turc a désigné les coupables. Après l'attentat à l'aéroport d'Istanbul qui a fait 41 morts, tous les indices pointent, disent les autorités, vers l'organisation terroriste État islamique, laquelle n'a pas revendiqué l'attaque. La justice de Luxembourg a jugé les deux lanceurs d'alerte qui ont permis de mettre à jour le scandale fiscal qui a éclaboussé plus de 340 entreprises. Ils sont condamnés à de la prison avec sursis. Pierre Collard-Bovier, y a-t-il des difficultés particulières à cette heure-ci? Mais une circulation relativement dense sur le ring de Bruxelles, mais c'est assez habituel. Et puis les tunnels commencent à se remplir également dans Bruxelles et vous perdez 20 minutes dans le chantier de Le Caron Bruxelles avec la chapelle, le chantier de Cherat en direction de Bruxelles. Le triple attentat perpétré hier soir à l'aéroport international d'Istanbul n'a toujours pas été revendiqué. Le gouvernement turc accuse, lui, l'État islamique. Trois personnes se sont faites exploser. Il y a 41 morts et plus de 230 blessés. 13 étrangers figurent parmi les victimes. À présent, les enquêteurs examinent les vidéos de l'attentat et les déclarations des témoins aussi. La Turquie endeuillée cette année pour la quatrième fois, Alexandre Biette. C'est une année noire qui se poursuit en Turquie avec cet attentat le plus meurtrier de la métropole turque depuis des décennies. L'enquête suit son cours. Les autorités n'ont pas encore dévoilé les détails de l'affaire, sinon que depuis ce matin, les officiels comme les observateurs s'entendent pour dire que l'attaque porte la signature de l'État islamique, peut-être celle de cellules djihadistes turques affiliées à Daesh mais qui agit de manière indépendante, ce qui expliquerait que l'État islamique n'a pas encore une fois revendiqué cet attentat qui se déroule sur le sol turc. Par ailleurs, l'aéroport Atatürk a déjà rouvert ses portes quelques heures seulement après l'attentat d'hier soir et sans mesure de sécurité supplémentaire ou particulière. La Turquie néanmoins traumatisée par cet énième attentat qui risque de soulever des questions sur les failles de la sécurité d'État. Et sur Twitter, le hashtag qui domine aujourd'hui en Turquie tient en deux mots, Güvende değiliz, nous ne sommes pas en sécurité. Pas encore de revendication donc, mais plusieurs éléments qui font clairement penser au mode opératoire de l'État islamique. On sait que le groupe terroriste a menacé plusieurs fois la Turquie. Il faut rester prudent, bien sûr, mais Thomas Renard, expert en terrorisme à l'Institut Egmont, Institut Royal des Relations Internationales, relève quand même plusieurs éléments qui ne trompent pas. Trois individus qui arrivent en taxi, qui s'attaquent à un aéroport international, des attentats suicides, même si ici, effectivement, ils ont utilisé des armes automatiques avant l'explosion. Donc, il y a eu une différence à ce niveau-là. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes. Et aussi, à nouveau, il y a un aéroport avec un terminal domestique et un terminal international. Ici, ils visent le terminal international. Donc, visiblement, ils veulent donner une dimension internationale à cette attaque. Et donc, ça, c'est aussi un signal qui pointe vers la piste de l'État islamique, puisque les attentats suicides en tant que tels ne sont pas l'apanage, l'État islamique n'a pas le monopole des attentats suicides. Donc ce fait-là seul ne permet pas de pointer l'État islamique, mais c'est toute une série d'éléments qui permettent effectivement d'indiquer, même s'il faut rester prudent. Thomas Renard, expert en terrorisme, sur le plateau du journal télévisé de 13h. De la prison avec sursis et un acquittement dans le procès LuxLeaks à Luxembourg. Ce procès, c'est celui des lanceurs d'alerte. Les deux lanceurs d'alerte étaient accusés d'avoir fait fuiter des milliers de documents éclairant les pratiques fiscales de grandes multinationales établies dans le pays. Ils encouraient jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le journaliste à qui ils avaient transmis des documents dans le cadre d'une enquête de France 2 a lui été acquitté. La fin du sommet des 27 dirigeants européens à Bruxelles, un sommet informel sans David Cameron. Le Premier ministre britannique démissionnaire était là hier soir. Il a confirmé qu'une majorité de ses concitoyens avait soutenu le départ du Royaume-Uni de l'Union. Les autres dirigeants ont donc décidé de se réunir entre eux pour aborder la manière de régler cette procédure de divorce et surtout se pencher sur la manière de relancer le projet européen. Une volonté qui existe depuis longtemps, mais qui n'a jamais débouché sur quoi que ce soit. Le départ du Royaume-Uni est-il le choc nécessaire pour que cela bouge? Le Premier ministre belge, Charles Michel, l'espère après des années de gestion de crise. Quand il y a un radio-réveil qui résonne aussi brusquement dans les oreilles, on se retrousse les manches et on peut peut-être faire des choses qui étaient encore impossibles pour des raisons liées à certains conservatismes, à certains blocages, à certaines traditions durant les quelques semaines ou les quelques mois qui précèdent. Et moi, je refuse cette espèce de fatalité qui considérerait à dire on ne vient à Bruxelles que pour, dans l'urgence ou la pression, subir des crises. Subir des difficultés. Je pense que l'ambition, quand on assume une responsabilité au travers d'un mandat démocratique, ça doit être autre chose que simplement être là pour jouer en permanence aux pompiers, parfois aux pompiers pyromanes d'ailleurs. Je crois que l'ambition doit être, au contraire, d'avoir une vision, ce que nous avons, mais de la concrétiser. Et moi, je pense qu'on ne doit pas toujours réinventer l'eau tiède. Si on commence déjà par implémenter plus vite ce qui est décidé, je pense que ça pourrait déjà faire la différence. Des propos recueillis par Anne Blampin. Notez que les premières discussions post-Brexit menées à 27 se poursuivront en septembre, le 15, à Bratislava. Dès maintenant et jusqu'à demain midi, les prétendants conservateurs pour succéder à David Cameron peuvent se faire connaître. Le nom du nouveau chef de gouvernement sera annoncé le 9 septembre. Ce sera ce Premier ministre qui sera chargé de gérer le divorce avec l'Union européenne. Chez nous, la faillite de la société Trouveau a été prononcée. Un repreneur potentiel des célèbres Pages d'Or pourrait relancer l'activité, mais avec un personnel moins nombreux. De 520 emplois, il pourrait en rester entre 220 et 310. Impossible d'y échapper en ce moment. Les pubs pour les paris sportifs sont partout. L'Euro 2016 de football constitue une formidable opportunité pour les opérateurs de jeux en ligne qui comptent bien en profiter pour gagner des parts de marché. Le ministre de la Justice estime qu'il y a trop de matraquage. Koen Gaens prépare un arrêté royal pour en limiter la publicité. Depuis le début de l'Euro, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui parient en ligne chaque jour en Belgique. Certains estiment que ce type de pari peut être un produit d'appel pour d'autres jeux. Pensez-vous que cette profusion de publicité appelle à jouer en ligne et dangereuse? Vous pouvez réagir puisque c'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première en nous appelant au 02 737 33 33. Vous pouvez envoyer un courriel à matin1@rtbf.be, vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir via Twitter avec le hashtag Matin1. Il pleut à Londres, les matchs des internationaux de tennis de Grande-Bretagne sont donc suspendus. Kirsten Flipkens et David Goffin ne sont pas encore montés sur les courts. Seuls les matchs qui se jouent sur le court central sont disputés car il est équipé d'un toit. Merci de nous être fidèles, il est 17h07. Toute l'info est sur rtbf.be. Soutenir les Belges à la piscine? Allez Kevin! Ou soutenir votre enfant au mini-club? Allez Kevin! Lâchez-vous! Neckermann, vous êtes en vacances? Réservez maintenant votre last minute. Très belle fin de journée à l'écoute de La Première, c'est toujours presque sérieux. Effectivement, Diane retourne l'information tout à l'heure à 17h30 pour Soir Première. La Première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Mais pas que, et bien entouré comme tous les jours de la semaine, vous le savez, vous avez rendez-vous avec de l'impertinence, avec du rire, avec de la joie de vivre, avec un peu de légèreté, de la bonne humeur au menu de ces 90 minutes que nous vous proposons tous les jours. L'actualité décortiquée par nos beaux esprits, ils sont autour de ces tables avec Corentin Candy. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous allez bien, Corentin? Je vais très très bien, vous. Il y a Jean-Jacques Jespers. Mais oui, bonjour, bonjour. Et son journal des bonnes nouvelles qu'on attend. Absolument. Ce sera dans une petite quinzaine de minutes. Il y a David Watley. Et bonjour à tous les auditeurs. Et auditrices. Et auditrices aussi. On les oublie souvent. Oui, J'englobe. Hein. Oui, bien sûr. Englobé, englobé. Raoul Reyes. Moi, je dis bonjour à toutes les auditrices. Et les auditeurs aussi. Aussi, aussi. Ouais. Et il y a Vincent Flibustier qui nous racontera des histoires. Le retour des histoires de Vincent Flibustier qui fait son grand retour après des vacances bien méritées et qui, surprise, a découvert dans sa boîte aux lettres. Ah bah, comme nous, quand on reviendra de vacances, beaucoup de surprises. Donc voilà, restez presque sérieux que vous soyez. Merci d'être des nôtres sur la première. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey, Houston, on a un problème ici. Petit maillot fleuri pour plonger dans l'histoire. Oui, nous allons plonger pour faire un beau splash avec Laurent Dehausset qui vous propose tous les jours une question relative à l'actualité, la date du jour. Aujourd'hui, 29 juin, Laurent Dehausset qui vous proposera demain, durant 60 minutes, un jour dans l'histoire, entre 13h30 et 14h30 sur la première. Eh bien, il abordera l'exil des Belges en 1914, tout un programme. Et le programme, eh bien justement, il vous le propose tout de suite avec sa question. J'ai révolutionné la connectivité et fait le bonheur de mon créateur. Que suis-je? La clé USB, la première. Non. Le God Michel. Non plus. Non, la fibre optique. C'est pas la fibre optique. C'est proche au niveau de la date. C'est-à-dire que c'était en 2007. Un 29 juin en 2007. C'est un site internet? Ce n'est pas un site internet. Le Wi-Fi? Non. Le streaming. On le connaît tous, sous plusieurs formes, plusieurs numéros. Le Bluetooth. La 4G, non. C'est un rapport avec notre téléphone? Oui, c'est un rapport avec le téléphone. Le cancer du cerveau? Non, avec une application. Avec une application? Une application, non, ce n'est pas une application. Il a révolutionné la connectivité. Le smartphone? Le smartphone, oui, mais lequel? L'Apple, l'iPhone? L'iPhone, effectivement. Le 29 juin sortait aux États-Unis le tout premier iPhone en 2007. Et oui, 5 ans après avoir lancé l'iPod, produit qui lui donna un nouveau souffle, et bien Apple se lance sur le marché du mobile et espère donc obtenir le même succès, résultat obtenu, puisque aujourd'hui on en est presque au 7. Et oui, et Apple qui, et je l'ai découvert aujourd'hui en lisant la partie mobile du journal Le Soir, où on parle de d'high-tech, et bien je viens d'apprendre aujourd'hui que Apple pourrait et peut, en fait, via une application, eh bien, vous interdire de prendre des photos pendant des concerts. Et là, ça me fait peur. C'est-à-dire que, en fait, vous n'êtes plus propriétaire à distance de votre téléphone. Ah, mais vous ne l'avez jamais été avec Apple. Bah, ouais, donc, mais ça fait quand même flipper de savoir que... Ni avec Google, ni avec Apple, ni avec... Que quelque part, avec votre smartphone, vous n'allez plus pouvoir prendre de photos pendant un concert. Donc, ils pourront à distance, hop, désactiver la partie photo et... alors là, ça fait flipper. Oui, mais on pourra le réactiver pratiquement, comment est-ce possible? C'est-à-dire que vous avez un service de localisation, donc on sait exactement où vous êtes. Si vous êtes dans une salle de concert, bim, hop. Mais si on désactive la localisation... C'est pas faux. Je vais essayer. Moi, je suis pour le fax. Moi, j'irais bien au concert rien que pour essayer de faire des photos. Avec un fax. Et à mon avis, vous obligeront simplement à voir la localisation pour prendre des photos, comme ils le font déjà, vu qu'ils localisent déjà la plupart des photos qu'on prend. Ouais. Donc voilà. Tout savoir. Et donc voilà, on apprend des choses et on va continuer à apprendre des choses. C'est le prix de la gratuité. Avec Vincent Flibustier qui nous revient avec deux histoires. Oui. C'est parti. Bonjour, messieurs Vincent. Alors, l'une de ces deux histoires est vraie, oui, mais laquelle, Vincent? Eh oui, aujourd'hui, on va parler de religion, parce qu'aujourd'hui, en fait, Saint-Pierre, eh bien, contrairement à ce qu'on dit, révélation aujourd'hui, c'est le jour des révélations, Saint-Pierre n'a pas été crucifié par Néron, ni par Nécaré. Néanmoins, comme dirait Michael Jackson, Saint-Pierre a bien été crucifié, mais volontairement. Et oui, puisque des manuscrits apocryphes l'affirment, Saint-Pierre s'est crucifié tout seul. Et on peut parler de miracle, puisqu'il est facile de mettre le clou dans les pieds, soit. Dans la première main, pas facile, puisqu'il faut tenir le clou, mais la deuxième main, c'est encore plus difficile. J'ai du mal à y croire personnellement, mais on a découvert récemment 4 manuscrits qui l'affirment. Donc on peut dire que Saint-Pierre a dû se crucifier à moitié, ce qui devait être assez douloureux, à moins d'avoir des super abdos. Saint-Pierre, première histoire, la seconde. Et oui, je vous l'annonce, chers auditeurs, c'est encore plus fort, c'est encore plus fou. Je suis parti 15 jours, rien que pour ça, pour enquêter. Maintenant, je l'affirme, je le sais, on vous a menti depuis le début. Dans toutes les religions monothéistes, on vous parle de la création d'Adam et Ève. Et comment Dieu a créé Ève? Par la côte. Voilà, la côte d'Adam, ce qu'on lit dans la Bible aujourd'hui, ouais. Eh bien c'est faux. Puisqu'il s'agit d'une erreur de traduction, à l'origine il s'agissait d'un baculum qui n'est autre qu'un os pénien que possèdent de nombreux animaux et la plupart des primates, sauf l'humain. Ève a donc été créée par un morceau du pénis d'Adam. Voilà, c'est dit. Eh ben, dis donc Vincent. Quelle enquête, hein. Le soleil, ça vous fait pas du bien. Alors, deux histoires, cette histoire d'Adam et Ève ou cette histoire de Saint-Pierre. David Ouattelet, première ou seconde? Moi, je suis désolé, je suis très croyant, je n'en crois aucune des deux. Aucune des deux. Ah non. Mais il va je falloir faire un choix. Prenez le pénis d'Adam. Alors. Le pénis d'Adam. Alors, c'est parti. C'est ça que vous prenez. Bah, c'est bien. La pomme d'Adam, on ne peut pas l'avoir. Non plus, non. Raoul, première Saint-Pierre. Ou seconde. Saint-Pierre. Ouais, ouais. Jean-Jacques Jespers. Adam avait-il un nombril? Grande question. Question pour vous. Sur ce soir. De nombreuses peintures, on voit souvent. Bien sûr, on le représente toujours avec un nombril. Non, moi je pense que c'est la première en fait. Mais Saint-Pierre, d'après les Écritures, a été crucifié la tête en bas. Mm-hmm. Parce qu'il ne pouvait pas être crucifié comme son maître, comme son inspirateur, patron. Jésus. Mm. La tête en haut. Donc pour Jean-Jacques Jespers, c'est la première histoire. Quentin Candy. Ouais, la première est plutôt plus vraisemblable que tout ce qu'on... Eh bien, on va le découvrir tout de suite après ce roulement de tambour. Adam et Ève, Saint-Pierre, il était question de religion aujourd'hui avec ces histoires de Vincent Flibustier. Et l'histoire vraie du jour était donc... Eh bien oui, énormément de chercheurs l'affirment et de plus en plus. La traduction depuis l'hébreu a modifié le mot qui était à l'origine l'os du pénis, le baculum. Donc on imagine probablement qu'on pensait à l'époque, vu l'avancée de la science, que l'humain avait un os dans son pénis. Et ça pourrait expliquer pourquoi l'humain est le seul primate à ne plus avoir de baculum, vu qu'il a servi à faire la femme. On imagine qu'avec les traductions et le temps, on a trouvé plus sympa de dire que c'était une côte qu'un os du pénis, même si un os du pénis, ça se tenait plus, si je puis dire, puisqu'il ne manque aucune côte aux hommes, alors qu'il nous manque notre os du pénis. Hé, le baculum. J'ai bon. Le baculum. Quelle belle histoire. Ouais, enfin, bon. À ne pas confondre avec les baklawa, ça n'a rien à voir. Hein, bien tout, ça, hein. Ah, tout ça, hein. Voilà. Tout ça est extrêmement sujet à caution. Et à controverse. Écoutez, on leur demandera. Merci Vincent Flibustier pour ces deux histoires. Dans la suite, enfin, de retour, oui, le fameux journal des bonnes nouvelles. C'est à découvrir dans la suite de C'est presque sérieux sur la première avec l'unique Jean-Jacques Jespers. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Bonjour, je m'appelle Jérémy. Quelle est votre bonne nouvelle? Ma bonne nouvelle, c'est que c'est une magnifique journée. Ensoleillé, c'est vraiment agréable et on en profite. Et voilà, c'est ça qui me met de bonne humeur. C'est presque sérieux sur la première. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique? Ou bien à la mer? Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Crefel. Les soldes XXL dans les 75 magasins Crefel et sur crefel.be, ça commence vendredi. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Salut Julie, allez viens monte. Salut. Oh, t'as acheté le nouveau TomTom? Ouais, c'est comme si j'avais ma route privée pour aller au travail. Ah oui? Mais ça fait quoi? Eh ben ça fait... Waouh, je m'étais pas sentie comme ça depuis les années 90. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Roulez malin et découvrez le sentiment TomTom chez Vandenborg. Fenêtre sur Doc. L'amour du risque, de l'aventure. Des documentaires inédits pour sortir des sentiers battus. Se priver un peu, crever un peu pour mieux vivre après. Fenêtre sur Doc, chaque jeudi de l'été sur la 3. La première, Mobile Info. 17h17, un point sur vos conditions de circulation. Pierre Collard-Bovis, ça roule? Ça roule, les dangers, ça roule, mais il y a une bonne nouvelle puisque la fuite de gaz à Namur sur la chaussée de Dinan, mais c'est terminé, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Donc c'est une bonne nouvelle, effectivement, tout a été colmaté. Alors, vous ralentissez dans la plupart des tunnels de la capitale comme d'habitude, sur le ring de Bruxelles. Situation dense, mais assez habituelle aussi. 24 minutes supplémentaires pour l'extérieur, 20e Grand Bigard. 22 minutes en plus pour l'extérieur, Grand Bigard au titre, plus 18 pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem, plus 18 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 17 pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Vous ralentissez toujours sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Réquem en direction de la France, même si les files tentent à se résorber pour le moment. Des ralentissements engendrés par les travaux sur le 403 Bruges Tournai, vous perdez 25 minutes en direction de Tournai. Dans le chantier de Charade sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle, toujours fluide vers l'Allemagne, mais 20 minutes perdues en direction de Bruxelles à partir de Melun. Et puis un véhicule est en panne, on le rappelle, sur la N63 Liège-Marche-en-Famène autour de Boncel. La bande de gauche est encombrée en direction de Marche. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La Netherlands Academy présente la métamorphose de l'été. Avant l'été, voici ce que Cédric vous aurait dit. On dit que les francophones sont nuls en langue. Bon, eh bien moi, je suis prêt à prouver le contraire. Je m'y mets cet été. Après l'été, vous le trouverez métamorphosé. Nonsense, tis simple, super gemakkelijk. Voor Franstaligen is het ook eenvoudig, als ze maar gemotiveerd zijn. Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Stage intensif de 2 semaines durant tout l'été. Plus d'infos sur nedaka.be. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Bientôt les vacances, en tout cas pas pour nous. Nous vous accompagnons jusqu'au 15 juillet. Ah ouais. Et oui. Et d'ici là, eh bien, nous allons mettre les petits plats dans les grands pour vous proposer encore une fois de plus de belles émissions autour de l'actualité, rien que l'actualité. Et Jean-Jacques Jespers va s'y coller sans plus attendre avec son fameux journal des bonnes nouvelles que le monde entier nous envie. Jean-Jacques, c'est à vous. Bah oui, quelques bonnes nouvelles pour nous aider à affronter la canicule. Les profits scandaleux des spéculateurs après le Brexit, la canicule, la panne d'électricité de l'atomium, la canicule, la faillite des pages d'or, la canicule, et l'Europe à 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Première bonne nouvelle, les Wallons ne se laissent pas influencer par la mode, ils ne cherchent pas à passer pour des bobos branchés, ils restent attachés aux vraies valeurs, et pour eux, la virilité s'exprime toujours par un bon vieux vroom vroom de moteur. Pour aller au travail, les Wallons sont 81% à utiliser leur voiture et qui plus est, à y voyager seuls, bien tranquilles, sans ces covoiturés, braillards et importuns. Voiture partagée sans jamais. Ils sont même plus nombreux qu'il y a 10 ans à utiliser ce mode de transport. De plus en plus nombreux. Ouais. Pas question pour eux de se ridiculiser à vélo. 1,3% des Wallons acceptent de pousser sur les bien nommés pédales pour aller travailler. Alors que 15% des Flamands n'hésitent pas, eux, à enfourcher ces engins de lopette. Certains disent que ça n'a rien à voir avec ce que Bourdieu appellerait la distinction. Ce serait, paraît-il, lié au fait qu'en Ardennes, il y a plus de côtes qu'en Flandre occidentale. Ah ouais. Mais remarquons qu'il y a aussi plus de descentes. C'est vrai aussi. Autre bonne nouvelle, les femmes font économiser chaque année 21% de dépenses à l'économie belge. Comment ? Oui, comment ? Ben, en travaillant gratuitement à la place des hommes, à l'entretien des logements, à la logistique alimentaire, aux soins et à l'éducation des enfants, et en choisissant, pour pouvoir faire ce cadeau à l'économie nationale, de ne travailler à l'extérieur qu'à temps partiel. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci les femmes ! Et en plus, elles parviennent encore à rester présentables, pour ne pas utiliser un terme plus trivial, et à sentir bon. C'est beau. Voilà. Troisième bonne nouvelle, vous savez sans doute qu'il y a en Belgique 1500 pauvres policiers qui, pour se défendre contre les terroristes islamistes qui les agressent à tous les coins de rue, doivent se contenter d'un spray au poivre. Vous imaginez la honte de ces flics obligés de cacher au fond de leur poche la plus profonde cette arme de gonzesse qui les ridiculise auprès de leurs copains des unités spéciales et surtout auprès des paracommandos qui se pavanent avec leurs gros fusils mitrailleurs. Mais Yann Yambon va changer tout ça. Ah. Il va autoriser ces malheureux à porter une vraie arme, un peu sérieuse, quoi. Une machette. Un bon produit de la FN, comme celui du tueur d'Orlando. Un couteau suisse. Le slogan de Yambon, c'est « plus de bleu en roue et sans rougir ». Quatrième bonne nouvelle, la presse belge est objective et même critique envers les Diables Rouges. Ah. Je m'en étais pas aperçu. Un observateur attentif et rigoureux, Yannick Carrasco, a levé le voile sur la véritable attitude de nos médias. Loin de déverser, comme on le croyait, des tonnes de sentimentalisme bêlant et cocardier en parlant de « nos Diables Rouges » ou en disant que nous avons été olympiens contre la Hongrie. Moi, j'ai rien fait contre la Hongrie. Hein. Au lieu de ça, donc, les médias belges ne sont pas assez derrière l'équipe belge et ils aiment trop critiquer, dit Carrasco. Voilà, chers confrères, un beau certificat de déontologie. Cela dit, ne soyez quand même pas trop durs avec ces pauvres garçons. Pauvres, hein, pauvres garçons. Ouais. Et puis, grâce au foot, il arrive qu'on fasse des découvertes. Ainsi, nous avons découvert ce week-end Sveinbjörnsson. Ah oui. Ah oui, en Islande, tous les noms d'hommes se terminent par son et tous les noms de femmes se terminent par dotir. Son, fils, dotir, fille. Qui est Sveinbjörn, fils de Sveinbjörn? Eh bien, c'est le compositeur de l'hymne national islandais. De l'avis des réseaux dits sociaux, c'est beau comme du Mozart. On peut mettre Beyoncé à la place, si tu veux. Ah, il l'a pas, apparemment. Il l'a pas. Oh bon. Bah, ah ouais. Moi, je trouve que la Brabanson, c'est quand même plus martial. Le texte de cet hymne signé Mathias Jokumsson, Mathias, fils de Jokum, est lui aussi un petit chef-d'œuvre de kitsch. Écoutez plutôt. Ô Dieu de notre lande, ô lande de notre Dieu, les cohortes des temps te font une couronne de soleil au firmament infini. Devant toi, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans un jour. Une fleur d'éternité tremblant sur la lande qui adore son Dieu avant de mourir. C'est beau. Allez, écoutez. Il faudrait écouter, oui. On dirait la BO de Game of Thrones. J'ai envie de sortir d'un dracard ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, je promets. Mais c'est beau comme tout. Ah, mais c'est magnifique. Et de mettre c'est... des baffes aux anglais. Ah oui, franchement, je comprends l'engouement qu'il y a. En plus, il y a une vraie union entre ces joueurs et les supporters. Mais moi, je préfère quand même Noble Belgique, au maire chéri. À toi nos cœurs. À toi ouais, nos c'est bras. Ça. Oui, oui, ça change. Ça change de Allons enfants dans la patrie le jour d'ouverture. Voilà, voilà. Ah, ouais, effectivement. Les hymnes. Tiens, autre hymne qu'on aurait pu écouter, c'est l'hymne que personne ne connaît en fait ici. Vous connaissez ça ou pas, Jean-Jacques? C'était un générique d'Ardisson, ça, non? Non, oui, c'était « Faites rentrer l'invité ouais, ». Ouais, ouais, ah, ouais. Ouais. Ouais, quand les invités rentraient, c'était ça. Mais c'était Beyoncé, gros carton dans les années... Dans les années. Ouais, au moins. Beyoncé et JZ. Vous connaissez Giselle? Oui. C'est un opéra. Non, JZ. JZ. Bon, allez, c'est presque au mot de la fin, c'est tout de suite. Cette conversation est terminée. C'est vrai que Beyoncé et Jay-Z, ça me surprend de découvrir ça sur la playlist de la première. Bah, ouais, dis donc, tout arrive. C'est vieux. C'est vous qui l'avez piraté. Non, mais je vous jure, je découvre. Voilà. Je remercie d'ailleurs le programmateur. On n'a pas passé en fait le morceau. On écoute et on vous écoute, chers amis. Vous avez retenu pour nous une actualité que vous résumez en un mot avant Soir Première. David Ouattelet. Eh bien moi c'est imprévu, notamment on va encore parler de foot, je suis désolé, mais les joueurs gallois n'avaient pas vraiment prévu d'être en quart de finale puisque certains avaient prévu un concert de Beyoncé ou le mariage de leur frère et donc c'est très embêtant évidemment. Ah, bah oui. Oui, le sens de la propos. Eh bien bah, écoutez, comment et donc ils n'avaient vraiment pas prévu de partir en quart de finale, ils avaient prévu plein d'autres trucs sauf de jouer au foot. C'est moche. C'est des footballeurs. Il a quand même déclaré que c'est la première fois qu'un témoin de mariage va devoir faire ça par Skype, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Eh ben oui. Raoul Reyers. Écoutez, c'est une histoire un peu triste. C'est un jeune homme qui a agressé un policier en lui donnant un coup de poing par derrière. Un seul flic prend ça. Et puis il a voulu filer, il s'est empalé les roubignoles sur la grille d'un portail en essayant de passer au-dessus. Je ne le ferai plus, monsieur l'agent, je vous le promets. Vincent Flibustier, presque au mot de la fin. Eh bien, apparemment, on peut dire mort aux Juifs, aux Arabes, aux Wallons, et tout le monde s'en fout, mais quand on brûle un drapeau, la police a ouvert une enquête, la police de Charleroi l'a affirmé. Donc voilà, j'ai l'impression que les gens sont plus énervés quand on brûle un drapeau que des gens. Et ça me rend un peu triste. Mais les gens devraient être plus énervés par justement ce qu'on met sur le drapeau. Oui. Moi, je m'insurge. Honnêtement, On sent que c'est votre dossier. Mais non, je vous promets, vrai, mais je vous promets, ça me choque. La jupidaire ne passe pas. Non, c'est pas que ça ne passe pas. C'est que c'est un symbole et qu'un symbole ne doit pas être à un moment donné empiété par. Et dessus, il y a un gros, oui, c'est ça. Il y a un gros truc jupidaire. Mais ça me dérange. On oublie trop souvent les trucs Maretsu. Dont ABNBF a été cité dans les Panama Papers. C'est ça, on l'a de nouveau oublié. Mais donc, attendez, si c'est ce drapeau-là, on ne peut rien leur faire. Bah oui, c'est ça. On a juste brûlé le drapeau jupidaire parce qu'ils étaient condamnés dans. Voilà. Ils ont été vus dans les Panama Papers. Ça, on pourrait leur faire. Corentin Candy. Suite Torchon, qui fait des pastiche du journal Nord Presse, qui a encore trouvé le moyen de régaler Vincent Flibustier, qui se marre comme jamais, qui est très excité, qui compte les fautes d'orthographe dans les citations. Mmh. Il a 28. Et on vous demande 15 000 euros, Vincent. Oui, c'est ça. Oui, c'est on ne va pas en parler. Non, on va pas en parler. Devoir de réserve. Bien sûr. Par contre, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont demandé de l'argent. Bon, en attendant, Jean-Jacques Jespers, vous, votre pratiquement de la semaine, fin. C'est victime. La victime de la semaine, c'est Nigel Farage. Ouais. Le député européen du parti anti-européen UKIP, il a gagné en obtenant le Brexit, mais du coup, il va perdre à peu près 12 300 euros bruts par mois. Ah oui, c'est con. Hein, son indemnité de député européen, facilement gagnée, puisqu'il ne siège presque jamais. Ben voilà. Ouais, ouais, voilà. Ça lui apprendra. Tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Ouais. Eh bien, c'est ce qu'on fera, nous, demain, sauf qu'on dira, avant de tourner la langue dans notre bouche, ce qu'on a envie de dire, puisque nous serons une fois de plus presque sérieux et toute l'impertinence qui va de pair. Merci à Vincent Flibustier. Merci. Merci Corentin Cambi. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. À bientôt. Et bonnes vacances. Merci à David Boitelet. Alors un peu plus longtemps. Et bonnes vacances aussi. Salut. Merci à Raoul Reyers. À demain, oui. Demain, forcément, oui, on sera au rendez-vous, oui. Même endroit, même heure. D'ici là, vous avez rendez-vous avec l'information sérieuse, soir première d'ici quelques minutes. Et puis rendez-vous sur la page de la première.be, pour entre autres podcaster l'émission du jour, et sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Portez-vous bien et à demain, 16h. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h, le monde est un village. Vous le savez, nous le savons, nous sommes cernés par les festivals ces temps-ci. Nous allons faire un cocktail de festival qui sera aussi un cocktail de vitamines. Quelques indices pour assister ici et là à certains concerts. Vous pouvez compter sur nous. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Profitez d'un réflexe numérique Canon 1200D avec objectif stabilisé d'une valeur de 369 euros à 288 euros seulement. Dès ce vendredi et même ce dimanche 3 juillet, rendez-vous dans tous nos magasins ou sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite, drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite, en vente en pharmacie. Info sur réductin.be. La première et la 3 présente. Aujourd'hui, la photographie est